Aujourd'hui à Assemblage requis, François Landry vient parler des élections fédérales dans sa chronique politique, la chronique culturelle alternative de Sébastien Dulude et quelques logiciels pour vous faciliter la vie dans la capsule technologique CNX. Assemblage requis, c'est aujourd'hui, 15h.